cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس الجديدة ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. Donc on commence إن شاء الله تعالى avec nos frères aujourd'hui هذه الدروس. Le premier درس مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام للعلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه. Et le deuxième درس الفرق بين النصيحة والتعيير للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. Pour les frères qui suivent avec nous, on a l'habitude de faire, ولله الحمد مع إخواننا هنا, deux درس, un après l'autre. On a choisi pour débuter aujourd'hui cette risale, Miftah Dar al-Salam bi tahqiq shahadatay al-Islam. C'est une risale azime. Elle est très courte, quelques pages, c'est un petit livret. Lakin fiha fawaid azima jiddan. Il explique le cheikh Hafid al-Hakami rahmatullah alayhi, et on citera une brève biographie inshallah. Il explique fi hadhihi risala le sens, les conditions, tout ce que implique les deux shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Fa c'est une risala bi at-tawhid. Wa la yakhfa 'ala al-jami' an dirasat at-tawhid, c'est la chose la plus importante d'étudier at-tawhid. Fa Allah subhanahu wa ta'ala arsala ar-rusula wa anzala al-kutub illa li tahqiq hadha at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers pour propager, pour appeler à ce tawhid. Comme a dit Jalla wa ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Donc, nous, on doit faire des efforts fi hada al-bab kathiran, surtout à cette époque où on vit أن أعداء الله عز وجل, les ennemis de l'islam, ils combattent l'islam et combattent le tawhid et combattent les prêcheurs au tawhid, on doit faire des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour hada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ وَحِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns et les êtres humains que pour l'ibada. وَالْعِبَادَ لَا تَصِحْ إِلَّا بِالْتَوْحِيدِ. L'ibada, la condition principale pour qu'elle soit valide, acceptée, عند الله عز وجل, التوحيد. فلهذا, on a choisi d'étudier avec nos frères هذه الرسالة. Et on avait, walillah alhamd, avant cette risale, à étudier al-usul al-thalat avec le charh de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Thumma, on a lu le charh de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahmatullah alayhi, sur al-qa'id al-arba'. Thumma, on a expliqué al-usul al-sitta avec le charh de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. هذه c'est la quatrième risale fi al-tawhid. On a sallah subhanahu wa ta'ala. التوفيق. On conseille كذلك الإخوان بشكر هذه النعمة, d'être reconnaissant envers cette نعمة, نعمة العلم, نعمة هذه الدروس وهذا التعاون. C'est une نعمة عظيمة. On doit s'entraider pour la préserver, pour la propager, pour se conseiller. Et الحمد لله, on doit bien comprendre هذا. فكم من الناس حرموا من هذا العلم. Combien de personnes qu'on connaît tous dans notre entourage et autres, انهم يسون في ظلمات الجهل. Ils connaissent pas le tawhid, ils ont pas la motivation pour apprendre le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala ما وفقهم لحكمة بالغة. Donc nous, on doit être reconnaissant, et parmi cette reconnaissance, on doit être convaincu ان هذا الفضل c'est من الله. اما نحن في دي اسباب فقط, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'a facilité ces doros, qu'a facilité de les propager. Amma nahnu, fal juhd il est vaif. كذلك parmi la reconnaissance qu'on doit avoir al-ijtihad wal-ikhlas. On doit être sincère, on fait ça lillahi azza wa jal. Si on se trompe, on se conseille. Si un frère il a des faiblesses ou il est irrégulier, on le conseille, on lui veut du bien. كذلك notre qasd c'est at-taqarrub ila Allah, notre intention c'est de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Min ash-shukr كذلك la régularité, on doit être régulier. هذا العلم pour le comprendre et pour avancer, bien sûr avec la sincérité, il faut de la régularité. As-sabr, s'accrocher. Et là, il y a des obstacles. Ce chemin, pour apprendre l'ilm, pour apprendre le tawhid, il y a des obstacles. Et on a un bel exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé, il a patienté, il a propagé. Hatta, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, nassar al-haq. فنحن هكذا on doit patienter, on doit s'entraider. فالصبر avec l'ikhlas, avec l'istimrar, bien sûr avec l'ikhlas, ces quatre choses, et inshallah ta'ala ça te permettra d'avancer fil ilm et de mieux comprendre. كذلك نكثر من الدعاء, on fait beaucoup de dua ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة. Qu'Allah nous préserve, qui préserve ces doros et qui nous facilite à faire des efforts akthar. Amma, la risala qu'on a choisie pour aujourd'hui, Miftahu Dar al-Salam bi tahqiq shahadatay al-Islam. On a déjà cité Annahu rahmatullah alayhi, il a écrit cette risala pour expliquer les deux shahadas. Le premier fondement de l'islam. Bunya al-Islam ala khams. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le premier pilier, le premier fondement, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fa al-muallif rahmatullah alayhi, cette risala, il l'a consacrée pour expliquer ces deux piliers. Et inshallah sanaqra, il a cité des ayat, des hadith, il a cité les conditions, il a cité le sens des deux attestations, il a cité leurs conditions, il a cité leurs piliers. Il a cité كذلك beaucoup de fawa'id, satamur ma'ana inshallah ta'ala. Amma al-mu'allif, l'auteur, fahuwa al-allama, al-shaykh, hafidh, ibn Ahmed, al-hakami, rahmatullah alayhi. Min ulama'i al-mamlaka, al-arabiyya, al-sa'udiyya. Il est né en 1442, ou 1342, fi shahri ramadan, bi qaryati al-salam. Janoub Jizan, le sud de l'Arabie Saoudite, la frontière avec le Yémen. Donc il est né au mois de Ramadan en 1342, rahimahullah. Et il fait partie des grands élèves de Cheikh al-Allama al-Mujaddid, Abdullah al-Qara'awi, rahimahullah. Fastafada minhu kathiran. Cheikh Abdullah al-Qara'awi, il avait une da'wa azima fi Samita, dans le sud de l'Arabie Saoudite, et parmi ses grands élèves, al-Sheikh Hafidh al-Hakam. كذلك, un savant qui est plus connu pour certains et qui a profité de cette da'wa, كذلك, وهو الشيخ Ahmed ibn Yahya al-Najmi, al-Najmi rahimahullah. كذلك, الشيخ Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahmatullah alayhi. كذلك, il fait partie des élèves de الشيخ al-Qara'awi ou de الشيخ Hafidh, rahimahullah. الشيخ حافظ الحكمي الله سبحانه وتعالى رزقه حفظا قويا. Son prénom c'est حافظ et Allah سبحانه وتعالى il lui a donné un حفظ عجيب. حتى les personnes qui l'ont connu, que ce soit ses mashayikh ou ses frères من طلبة العلم, تعجبوا comme il mémorisait très vite. Il était قوي في العقيدة, قوي في اللغة, قوي في المصطلح والأصول والفقه. كذلك il avait beaucoup de facilité à écrire des poésies. C'est pour ça que beaucoup de ses livres, de ses ouvrages, rahmatullah alayhi, c'est des poésies. Parmi ses ouvrages, سلم الوصول, c'est une منظومة نافعة جدا في علم التوحيد. Ça ressemble à l'أصول الثلاثة, لكن il a détaillé en forme de poésie. Et il l'a expliqué fi ma'arij al-qaboul. Ce livre, il a été imprimé en trois volumes. Et c'est un livre tayyib fi tawhid. C'est une référence. il explique sa propre poésie Sulam al-Wusul fi at-Tawhid. Et c'est des livres importants. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dirasatiha wa qira'atiha. كذلك parmi ces livres A'lam as-Sunnah al-Manshura li'i'tiqad at-Ta'if an-Nadi al-Mansura. C'est un kitab كذلك sur le Tawhid, sur l'Aqida, lakin en forme de question-réponse. Wa hadha كذلك sanafi' jiddan. Il pose une question, thumma il cite la réponse avec le dalil. Cette forme d'apprentissage pour le talib, elle est bénéfique jiddan. Question, réponse. Min mu'allafatihi kadhalik al-jawharatul farida fi tahqiq al-aqida. C'est une poésie kadhalik. Il explique la aqida des salaf, rahimahumullah. Et il a beaucoup d'autres livres fil mustalah. Dalil, arbab al-falah, li tahqiq fan al-mustalah. C'est un kitab fi mustalah al-hadith. Kadhalik, il a un livre fi al-usul. وسيلة الحصول إلى مهمة الأصول إلى منظومة كبيرة إلى كرين تخيل بويزي رحمه الله إلى مفيدة جدا في الفقه وهي السبل السوية لفقه السنن المروية الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه il a fait l'explication et ils l'ont imprimé en plusieurs volumes et des autres livres رحمة الله عليه il est mort en 1377 de l'Hijra fi Mecca rahmatullah alayh. Donc il est mort et il avait 35 ans ou 36 ans. Ça montre anna hadha al-alim il a pas perdu son temps. Il faisait des efforts jiddan hatta il est mort très tôt. Il était jeune 35 ans, ma hadha il a délaissé et il a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup d'ouvrages rahimahullah. يستفيد منها طلبة العلم إلى يومنا هذا. Et ça, ça vous montre أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله. Ne désespère jamais, ya akhi. Fais des efforts. فضل الله لي واسع. كم من الناس ils font des efforts minimes, لكن ils sont sincères. Ils font autant qu'ils peuvent et Allah subhanahu wa ta'ala il met de la baraka. Et كم من الناس ربما des années ils font des efforts, لكن ils ont un problème dans l'intention. Ah oui, ils ont un problème dans la méthodologie. C'est pour ça que des années, Erubama, il n'arrive pas à grand chose. Fata'ammal cet exemple qu'on a. Hafiz al-Hakami, rahmatullah alayhi. Une vie très courte. Il est mort à 35 ans. Et on a cité quelques livres, faqat. Amma beaucoup d'autres livres qu'on n'a pas cités. Qala al-imam Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Il cite le Cheikh Hafiz. قال رجل من أهل العلم والخير له جهود مباركة كتبه مفيدة معروفة تزكية من إمام شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه شيخ حافظ في partie de أهل العلم إلى دي جهود عظيمة ça nous montre أن نستفيد من الرجل سلة علم surtout si العلماء démontrent أنه il fait partie de أهل العلم إلى دي كتب إلى دي élèves نستفيد منه. Voilà aussi il n'est pas âgé, voilà aussi il n'est pas connu, voilà aussi il ne vient pas de tel pays. L'essentiel c'est qu'il est à l'ilm, il appelle au ilm. Wa Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, yaqul hadha al-alim ma'ruf bis-salah wal-istiqama wa salamat al-aqida wa huwa yamdhi ala manhaj as-salaf rahimahumullah wa rahimah faturathu kutubih fiha fa'ida 'azima. Cheikh al-Fawzan, كذلك, il démontre qu'il était à la sunna, qu'il suivait le salaf, et ses livres, ses ouvrages, ils sont très bénéfiques pour la umma. Wa Cheikh Hamad al-Ansari, rahmatullah alayhi, yaqul, inna Cheikh Hafiz al-Hakami, rahimahullah, kana yudrab bidhaka'ihi al-mathal. C'était un exemple, il était cité pour son intelligence et sa mémoire. Hatta ahyanan, il écoutait un Cheikh. Comme ils ont rapporté, il écoutait son cheikh Abdullah al-Qara'awi pendant le dors. À la fin du dors, cheikh Abdullah, il disait à son élève, cheikh Hafid, de résumer, il répétait mot à mot le dors du cheikh. Et ba'duhum, il rapporte annahu, il lisait un livre, il le mémorisait. Hadi c'est min ni'amillahi azza wa jal alayh. On doit profiter de hada al-khayr. Qala cheikh Hamad, rahimahullah, wa kana ya'rif al-kutub al-matbu'a. والكتب المطبوع والمخطوط منها معرفة قوية كذلك il avait une grande connaissance des livres, les livres qui ont été imprimés et les livres qui étaient encore en forme de manuscrits à son époque. rahmatullah alayhi. Wa qala shahafid, ou aqsud Sheikh Hamad rahimahullah, hafidh al-hakami fihi dhaka'un 'azim. Sheikh Hamad al-Ansari, ta'lamoun annahu c'est un grand savant de la sunna. Il était fil Medina, il est mort il y a quelques années, rahimahullah, il yaqul fihi dhaka'un 'azim. Il était impressionné par l'intelligence de Sheikh Hafidh. Qala wastahdhara wastihdhar la yastahdhiruhu al-kibar. ولو استمر به العمر لكان عالم زمانه توفي وعمره 36 سنة. الشيخ حماد رحمة الله عليه يدي لو قدر الله عز وجل أنه il aurait vécu plus longtemps, لأنه il est mort très jeune, 35 ans ou 36 ans, يقول الشيخ حماد, ça serait devenu بإذن الله عز وجل le savant, la référence de son époque. Et alhamdulillah, c'est une référence parmi les savants de la sunna à notre époque. فنستفيد منه ولله الحمد. شيخ زيد المدخلي رحمه الله عليه الى ان ليفر او الى ديتايي لا بيوغرافي دو الشيخ حافظ. celui qui veut les détails فليرجع الى ذلك الكتاب. قال شيخ حافظ رحمه الله, on commence la lecture de cette رساله. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد ونكس رايات أهل الشرك والتنديد. فصل النعمة, نعمة عظيمة أن هذا التوحيد il nous est parvenu depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم والأئمة après lui من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين jusqu'à nos jours, et ils ont fait des efforts pour propager هذا التوحيد, et ils ont combattu الشرك وأهل الشرك. نحن الآن on vit à cette époque ولله الحمد, et on profite de ce tawhid en lisant ce genre de rasail. C'est une ni'ma azima. Pourquoi? C'est le plus grand sabab pour entrer le jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al jannah. Celui qui dit la ilaha illallah en étant sincère, bien sûr. On va détailler les conditions dans cette risala. C'est la plus grande cause pour entrer fil jannah. Donc en tant que musulman, on doit être reconnaissant envers cette ni'ma, le tawhid. Ils adorent des tombes. Ils font tawaf autour des tombes. Ils jurent par autre qu'Allah. Ils placent leur confiance en autre qu'Allah. Ils invoquent autre qu'Allah. Tu fais des efforts fi hada tawhid et tu l'appliques autant que tu peux. C'est une ni'ma azima. قال الشحافظ وقسم بشدة بطشه كل جبار عنيد وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد الموحدون من أعظم أسباب النصر. Parmi les plus grandes causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous secoure, il secoure l'umma, c'est d'appliquer هذا التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala il aime le mouhid et il le secoure contre ses ennemis, et Allah subhanahu wa ta'ala il déteste le shirk et les mushrikin. قال رحمه الله وسق قلوبهم بوابل الكتاب وطل السنة فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وما ربك بظلام للعبيد. ثناء عظيم على الله. Dans cette introduction, الشيخ حافظ رحمة الله عليه يثني على الله سبحانه وتعالى بأوصافه العليا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد. Et ça fait partie de la parmi les plus grandes récompenses يوم القيامة et في الجنة. أي voir Allah سبحانه وتعالى. Ça c'est من أعظم الجزاء. Et الشيخ حافظ رحمة الله عليه هنا dans cette introduction il demande à Allah سبحانه وتعالى qu'il le récompense en lui accordant de voir son visage يوم القيامة في الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحصي المبدي المعيد الفعال لما يريد تعالى عن أن يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل أو صاحبة أو ولد أو والد أو كفء أو نديد. تنزيه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on est obligé de l'unifier dans l'adoration et croire, avoir la conviction qu'il est unique, fi af'alih, wa fi sifatihi, wa fi asma'ih. Donc, on doit l'adorer seul. Falihada, Cheikh Hafid Hunay démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'associé. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Comme qala jalla wa ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allah subhanahu wa ta'ala, et il est unique. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ وَخَاتِمُ الرُّسُلِ الْكِرَامِ الْعَبِيدِ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد وكانه كل كافر عنيد. أما بعد. Donc, petite brève introduction de Cheikh Hafid rahimahullah ta'ala avant de rentrer dans le vif du sujet. قال فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. Il commence par un conseil. وهكذا دأب الصالحين أنهم يسكنسيل. Avant de expliquer les deux shahada, il nous conseille أن on doit لازم التقوى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Pourquoi? لأن pour appliquer ce qui va citer رحمة الله عليه, il faut التوفيق من الله. Il faut qu'Allah nous facilite. Et Allah سبحانه وتعالى يحب المتقين. Allah il aime المتقين. المتقين. Il aime ceux qui font des efforts. في التقوى. بقي ما معنى التقوى. On peut se poser la question الآن. C'est quoi التقوى? نحن on parle pas de traduction. On conseille à nos frères de faire des efforts في اللغة العربية. La traduction elle te donnera jamais le sens exact des mots en arabe. التقوى traduit par la crainte. Craindre Allah Azza wa Jal. لكن في اللغة العربية c'est plus vaste, c'est plus précis. تأمل طلق ابن حبيب رحمه الله comment il a expliqué التقوى. قال رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي التقوى قال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. C'est ça التقوى. العمل بطاعة الله. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala autant que tu peux. على نور من الله. Avec un délil. Avec علم. لأن كم من الناس. Ils font des adorations ou ce qu'ils appellent des adorations et c'est fondé sur aucune source. Bid'a wa khurafat. C'est fondé sur des ondits, sur des rêves. C'est fondé sur les gens ils font, dans mon pays ils font, on m'a dit. Ça ne fait pas partie de taqwa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا العمل il est مردود, il est rejeté. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم il ne l'a pas démontré, il ne l'a pas légiféré. Aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans le Sunna. Donc التقوى, العمل بطاعة الله. Une bonne intention et cette œuvre pour Allah, en obéissant à Allah Azza wa Jal, ala nourin min Allah, avec un burhan, avec un dalil, avec une preuve. Raja'a thawab Allah, kadhalik. Son but, son intention, c'est pour Allah. Sincèrement, il est sincère. Kadhalik, il espère la récompense. Il n'espère pas que les gens, ils le complimentent. Ou de l'argent. Ou une place. Là, son objectif, son but, c'est al-thawab, thawab Allah, al-jannah. Chaque amal qu'il fait, son intention, c'est al-jannah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève, il soit satisfait de lui. Ahammiyatu l'ihtisab. Ya ikhwan, on doit faire des efforts, fait hada l'ihtisab. Quand on fait un amal, il ne faut pas que ça devienne une coutume, une habitude. Toujours on doit avoir hada l'ihtisab. On fait pourquoi? Parce que c'est du din. Parce que Allah nous l'a ordonné. Parce qu'il y a une récompense énorme. Et ça nous motivera. Qala طلق ابن حبيب العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معاصي الله وترك معاصي الله أي المعصية on la délaisse على نور من الله كذلك on délaisse la معصيه avec des preuves. كم من الناس délaisse des choses ils pensent que c'est une chose mauvaise في الحقيقة c'est une sunna ou c'est une عبادة عظيمة. لكن vu que c'est des ignorants ils pensent s'écarter d'une mauvaise chose alors que cette chose ça fait partie de notre dîn. C'est pour ça que nous, même dans le délaissement, on doit avoir du ilm. On délaisse l'alcool parce que c'est haram, on délaisse zina parce que c'est haram, on délaisse le mensonge parce que c'est haram. On a les preuves, walillahi alhamd, et on connaît les conséquences. قَالَ وَتَّرْكْ مَعَاصِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابِ اللَّهِ. كَذَلِكَ il délaisse, pas pour les gens, Il délaisse pas pour ne pas froisser un tel là, il délaisse parce qu'il a peur de l'adab. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala il est shadid ou l'iqab. Donc, هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى ça lui permet de délaisser. C'est ça at-taqwa. Faire les obligations, les obéissances autant qu'on peut avec des preuves et s'écarter des interdits avec des preuves. Tout ça en espérant la récompense d'Allah et en craignant le châtiment. C'est ça taqwa Allah azza wa jalla. قال الامام الذهبي رحمه الله اي il a cité cette parole de Talq fi Sir al-Alam an-Nubala ثم قال قلت أبدع وأوجز فلا تقوى إلا بعمل لا كما يقول الجهال أن لا crainte est dans le cœur. بعضهم ils sont هكذا. Mon cœur il est blanc. J'ai une bonne intention. فلا تزكوا أنفسكم. Allah subhanahu wa ta'ala يقول on n'a pas le droit de se faire des tazaki à nous-mêmes. Là. Et كذلك c'est une parole fausse. لأن التقوى لابد من عمل. الصلاة ça fait partie du taqwa. Al-Hajj, ça fait partie de taqwa. Al-Siyam, ça fait partie de taqwa. Al-Amr bil-Ma'ouf, Al-Nahi al-Munkar. Tout ça, ça fait partie de taqwa. Donc, résumer à taqwa que par les œuvres du cœur, c'est pas min nahji ahli sunnati wal jama'a. Qala, fala taqwa illa bi'amal wa la amal illa bi tarawin min al-ilm. Wa l'ittiba'a. Kadhalik, le amal, t'es obligé d'avoir du ilm. Il y en a, comment tu vas appliquer une chose que tu ignores? Pour faire ça à Maghrib, on est obligé d'avoir des connaissances. Combien de raka'a? Dans quel lieu tu vas faire le salat? Tu vas te diriger où? Comment tu vas faire l'odo? Qu'est-ce que tu vas réciter? Tout ça, il faut shay min al-ilm. Pour haqqaq cette taqwa, il faut du ilm. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Rechercher la science, c'est une obligation pour chaque muslim. Les ulama ils expliquent ce hadith, c'est une obligation dans les choses at-tawhid. C'est obligé pour chacun de nous de faire des efforts, comprendre le tawhid, ne pas le contredire, l'appliquer. As-salat, celui qui a de l'argent, as-zakat, celui qui a de l'argent, il a la capacité, al-hajj, as-siyam, et les adorations qu'on a besoin, on doit avoir du ilm. Fi hada, hada c'est fardun ala al-jami'. Qala, rahimahullah, wa la yanfa' dhalik illa bi ikhlasin lillah. Tout ça, ça sera utile, et l'ilm, wal-amal, etc., tout ce qu'on a cité, qu'avec l'ikhlas. C'est pour ça qu'on étudie beaucoup de rasa'il fi tawhid. Lianna ce tawhid c'est la base. S'il est bon, même si les a'mal ils sont pas nombreux, inshallah le peu que tu feras ça sera bénéfique, bien sûr en faisant des efforts. Amma sans tawhid, même si les a'mal elles sont kathira, et beaucoup d'œuvres sans tawhid, c'est pas accepté indallah. Qala jalla wa ala la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Celui qui fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule ses œuvres. Shirk al-akbar, al-murad huna. Le grand shirk, Allah il lui annule ses œuvres. Sa salat, son hajj, son siyam, son bon comportement, tout ça, c'est annulé indallah. Pourquoi? لِأَنَّهُ il a fait une chose qui annule toutes ses œuvres. Donc on doit connaître shirk pour s'en écarter. لِأَنَّهُ il annule tout et on doit faire des efforts fi tawhid. قال رحمه الله لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها. الإمام الذهبي كذلك يبرسيز أن tout ce qu'on fait c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens. Les gens aujourd'hui ils parlent bien de toi, demain ils te critiqueront. Demain une chose Obama il est plus d'accord, ils te critiquent. C'est pas utile de satisfaire les gens là. Satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui te sera utile fi dinik wa dunyak. قال فمن داوم على هذه الوصيه فقد فاز. C'est ça la conclusion. Celui qui applique ce conseil de Talq ibn Habib, sa définition de taqwa, inshallah il fera partie de ceux qui ont réussi. Nasallah subhanahu wa ta'ala min fadlih. قال الشيخ حافظ بعد هذا فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولا سدى بل والله خلقكم لأمر عظيم. Tous on doit se poser cette question. On n'a pas été créé sans but, sans objectif. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour un amr عظيم كما قال الشيخ حافظ رحمه الله. Quelque chose de عظيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est le hakim. Allah il a une sagesse, il a créé les hommes, les femmes, des animaux, toutes les créatures pour une hikmah. قال شحافل وخطب جسيم بينه في محكم تنزيله وهو الحكيم في خلقه وشرعه الصادق في قيله ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون قال فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé في كتابه العظيم dans le Coran, Anahu il nous a créé que pour Al-Ibad. Tout ce que tu fais, ça doit te faciliter Al-Ibad. Mais une chose qui éloigne la personne de l'Ibad, c'est un shirk. Pourquoi? Parce que Allah il nous a créé que pour ça. Ta'ammal qawlahu illa liya'budun. Illa, ça veut dire sauf pour l'adoration. Que pour l'adoration. قال والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يسيت لتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في العبودية يعني رسالة شيخ الإسلام. العبادة هي اسم جامع un nom qui englobe tout ce que Allah سبحانه وتعالى il aime et il agrée comme œuvre, comme amal, que ce soit une parole, que ce soit une croyance, tout ce que Allah سبحانه وتعالى il aime comme amal. C'est ça l'ibada. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé pour ça. Et la chose que Allah subhanahu wa ta'ala il aime le plus, c'est la tawhid. Et cette ibadah, la condition pour qu'elle soit acceptée, c'est la tawhid. قال الشيخ حافظ واصل العباده وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي ارسلت به الرسل. التوحيد الذي ارسلت به الرسل. هذه العباده على un pilier, une condition, la taqoum illa bih, et cette ibadah sera authentique qu'avec ce point essentiel, at-tawhid. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas al-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte que al-amal al-salih. Et l'amal al-salih, c'est l'amal qui est fondé sur at-tawhid avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, alladhi ursilat bihi al-rusul, wa nuzilat bihi al-kutub, wa min ajlihi أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد ولأجله خلقت الدنيا والآخرة. الجهاد c'est pour propager le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé cette dunya, il a créé l'akhira pour tawhid. La dunya pour appliquer ce tawhid, l'akhira celui qui l'a appliqué, al-jannah, Allah il a créé al-jannah, celui qui a refusé ce tawhid, il a combattu ce tawhid, il a délaissé ce tawhid, al-nar. Toute chose que Allah il a créé, la base c'est que c'est pour le tawhid. C'est pour ça que c'est essentiel de faire des efforts fi hada. C'est pour ça que ulama al-islam, ulama al-sunna, qadiman wa hadithan, ils font beaucoup d'efforts fi hada al-bab. Wa la taghtar bi ahli al-dhalal wa bi ahli al-bid'a, annahum critiquent ahli al-sunna, annahum vous êtes toujours fi tawhid. Vous êtes toujours fi la ilaha illallah. Hatta ba'dhum qala at-tawhid tu peux l'apprendre en 10 minutes. Ça c'est qawl al-juhal. Nuh alayhi salam, 950 ans et il fait da'wa fi tawhid. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu la révélation jusqu'à sa mort, la période fi Mecca, fi Medina, pour le tawhid. Et bien sûr, des autres choses. Mais la base, c'est le tawhid. Et fi l'haqiqa, si tu médites sur l'état de la communauté, il y a des grosses faiblesses fi tawhid. À cause de Ahl al-Dhalal, min al-Rawafid wa al-Sufiya wa ghayrihim, annahum, ils appellent au shirk. Et ils ne blâment pas ceux qui font du shirk. Anahnu, notre rôle, c'est had. Faire des efforts dans l'apprentissage de tawhid et faire des efforts dans la propagation du tawhid. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Le prochain dars, inshallah, on continuera la lecture de cette risala mufida. Naktafi bihada wa lillahi alhamd.